ça vole ta caisse au rond-point, ça la plie en deux. Dans la zone c'est miné, je vois la vie en bleu. C'est malheureux, ça t'en veut quand tu brilles un peu. La moto fera brum brum, postiché dans la zone zone. Ça fait ses sous en zoom zoom, la somme somme. Quand tu l'as pris, ça t'en somme somme. On t'avait dit de rester sem sem. J'croyais que t'étais le sang, c'est normal, tu paranoïe. Paris que t'es light, donc elle préfère les sextoys. T'as pas wing, pas d'arme, arrête de faire le cowboy. Y'a des frères rejoignables que sur la Game Boy. Dans le ghetto, crois pas que ça dort. Ça lève une main à Raptor. Ça te vole mon bijou en or. Ça te cherche un dominator. Quand tu lui donnes trop d'amour, cette cochonne veut que tu la baisses. Les traites savent pas où je séjourne. J'suis dans la part des abaisses. Pas des humains, j'm'en fous de leur bise. Moi j'suis tout seul, j'm'en fous de leur boss. J'gamberge, j'suis mal. J'vis la night, la night, la night. Tu fais la guerre, tu chars. La white, la white, la white. Je rode, j'gamberge, j'suis mal. J'vis la night, la night, la night. Tu fais la guerre, tu chars. Millions d'euros pour mama et je peux mourir tranquille. Faudra pas tester mon gars, frappe du tic dans les mangas. Je suis le futur comme Filali, Aubameyang, Denis Bouanga. Toujours masse dans sac à dos, j'ai souffert, y'a pas de cadeau. Le matin ça cache des cadavres, après ça déguste au Prado. Je passe au quartier, je fais plus autant de bise qu'avant. J'ai le frère, j'ai le sang, que tes paroles dans le vent. Je fais de la musique et ouais c'est plus comme avant. De là, elle t'a mis dedans ta bella. Elle veut canner Punta Cana. Tu fais de la toile comme Mandela. Ouais, nique-toi de là. Elle t'a mis dedans ta bella. Elle veut canner Punta Cana. Tu fais de la toile comme Mandela. Mais elle dit quoi, elle? Elle veut se poser. J'ai pas le permis, elle vient me chercher. Mais elle veut plus me déposer. Mais elle dit quoi, elle? Elle veut se poser. J'ai pas le permis, elle vient me chercher. Mais elle veut plus me déposer. Non. Je rode, j'gamberge, j'suis mal. J'vis la night, la night, la night. Tu fais la guerre, tu chars. La white, la white, la white. Je rode, j'gamberge, j'suis mal. J'vis la night, la night, la night. Tu fais la guerre, tu chars. La white, la white.